Book 2 69 Avoir besoin, vouloir. يحتاج يريد J'ai besoin d'un lit. J'ai besoin d'un lit. أحتاج لسرير. Je veux dormir. أريد أن أنام. Y a-t-il un lit ici? هل يوجد هنا سرير؟ J'ai besoin d'une lampe. أحتاج إلى مصباح. Je veux lire. أريد أن أقرأ. Y a-t-il une lampe ici? هل يوجد هنا مصباح؟ J'ai besoin d'un téléphone. أحتاج إلى تليفون. Je veux téléphoner. أريد أن أتصل بالتليفون. Y a-t-il un téléphone ici? هل يوجد هنا تليفون؟ J'ai besoin d'une caméra. أحتاج لكاميرا. Je veux prendre des photos. أريد أن أصور. Y a-t-il une caméra ici? هل توجد هنا كاميرا؟ J'ai besoin d'un ordinateur. أحتاج لكمبيوتر. Je veux envoyer un email. أريد أن أرسل إيميل. Y a-t-il un ordinateur ici? هل يوجد هنا كمبيوتر؟ J'ai besoin d'un stylo. أحتاج لقلم حبر جاف. Je veux écrire quelque chose. أريد أن أكتب شيئا. Y a-t-il une feuille de papier et un stylo ici? هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟